Salut et bienvenue chez l'antidépresseur. Si vous nous rejoignez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à la fin de la vidéo si elle vous aura plu. Aujourd'hui, nous allons parler business, notamment des 10 meilleurs secteurs d'investissement en 2022. Cette année, la grande majorité des milliardaires figurant dans le classement Forbes est issue principalement des 10 secteurs d'activité qui vont suivre. Les 2668 milliardaires figurant dans le classement Forbes 2022 ont bâti leur fortune de plusieurs manières, en créant des marques de nourriture pour animaux domestiques ou de sauce soja, en exploitant des mines de cuivre et de zinc, en fabriquant des lunettes, en développant des empires immobiliers, et Tesla. Certains milliardaires ont entièrement créé leur fortune, d'autres en ont hérité. Cependant, de nombreux milliardaires présents dans le classement ont un point commun. Ils ont fait fortune dans le monde de la finance ou ont hérité d'une fortune dans ce secteur. Cette année, le secteur qui compte le plus de milliardaires est celui de la finance et des investissements, avec 393 milliardaires, soit près de 15% du classement. Il s'agit d'une augmentation par rapport à l'année dernière. En effet, en 2021, le secteur de la finance et des investissements était également en tête, avec 371 milliardaires dans le classement. Ce secteur englobe les magnats des fonds spéculatifs et des fonds de capital à investissement, les banquiers traditionnels et les fondateurs de sociétés dans la fintech, les gestionnaires de fonds, les investisseurs en capital à risque et les milliardaires qui ont réalisé des investissements dans divers secteurs. Dans ce secteur d'activité, Warren Buffett est le plus riche. Le PDG du conglomérat d'investissement Berkshire Hathaway possède une fortune estimée à 118 milliards de dollars, soit 22 milliards de plus que l'année dernière. Il est la cinquième personne la plus riche du monde. D'autres milliardaires du monde de la finance sont encore peu connus du public. Shang Pengdao, connu sous le nom de CZ, est la deuxième personne la plus riche du monde de la finance dans le classement cette année. CZ a fondé la bourse de crypto-monnaie Binance, qui est devenue une des plus importantes au monde. Avec la nouvelle estimation de la participation de CZ dans Binance, au moins 70%, et l'évaluation nettement plus élevée des revenus de l'entreprise, Forbes estime la fortune de CZ à 65 milliards de dollars, contre 1,9 milliard de dollars l'an dernier. Le commerce des crypto-monnaies a décollé, et avec lui, la fortune de CZ. L'année a été marquée par des ralentissements de la chaîne d'approvisionnement, notamment le naufrage très médiatisé de plusieurs cargos, mais l'industrie manufacturière est devenue, après la finance et l'investissement, le deuxième secteur comptant le plus de milliardaires, 337. La demande de biens de la part des consommateurs et des entreprises n'a pas ralenti, ce qui a permis à l'industrie manufacturière de voir émerger 36 nouveaux milliardaires. Parmi les nouveaux venus, l'on trouve l'Italienne Isabella Seragnoli, héritière et gérante de l'entreprise d'emballage Coesia, qui produit des emballages pour des produits allant des cigarettes aux cosmétiques, et l'Indien Vivek Jain, dont la société, Jara Fluorochemical, fabrique des produits chimiques et des gaz industriels. Le secteur des technologies, réputé pour être le moteur de l'innovation au niveau mondial, compte 332 milliardaires, ce qui en fait le troisième secteur le plus important cette année, avec une baisse d'un point par rapport à l'année dernière. Les fortunes technologiques du début de l'ère Internet occupent toujours les premières places du classement aujourd'hui. Les 10 plus grandes fortunes technologiques sont celles des fondateurs d'entreprises comme Google, Oracle et Microsoft, toutes lancées il y a plusieurs décennies. Forbes plaçait auparavant les magnats des réseaux sociaux dans la catégorie de l'industrie technologique, mais cette année, Forbes a classé les fondateurs de Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat et BitDance, la société mère de TikTok, dans l'industrie des médias et du divertissement afin de mieux refléter le fonctionnement de ces entreprises. Toutefois, 38 nouveaux milliardaires de la technologie ont également rejoint le classement. Parmi eux, l'on trouve les Australiens Melanie Perkin et Cliff Obrecht, cofondateurs de la société de logiciels de conception graphique Canva, dont la fortune respective s'élève à 6,5 milliards de dollars, et Tang Xiaohao, fondateur de la société chinoise d'intelligence artificielle SenseTime, connue pour ses capacités de reconnaissance faciale. Les investisseurs américains n'ont pas été autorisés à acheter des actions lors de l'introduction en bourse de la société à Hong Kong en décembre en raison des sanctions. Le quatrième secteur comptant le plus de milliardaires est celui de la mode et de la vente au détail, avec 250 milliardaires. À la tête du conglomérat de luxe LVMH, Bernard Arnault reste au sommet, avec une fortune estimée à 158 milliards de dollars. Le secteur de la mode accueille cette année un nouveau venu, Zhang Kongjun, président de la société taïwanaise ULI Industrial Group, qui fabrique des chaussures de sport. Falguni Nayar, la self-made woman la plus riche d'Inde, rejoint également le classement avec une fortune estimée à 4,5 milliards de dollars. Le secteur de la santé arrive en cinquième position, avec 217 milliardaires. Parmi les nouveaux venus, Jeff Agnew est le plus riche, avec une fortune estimée à 2,4 milliards de dollars. Jeff Agnew a fondé Doximity, une plateforme sociale pour les médecins qui est entrée en bourse en juin dernier. Les frères Dilip et Anand Surana, originaires d'Inde, ont également rejoint le classement. Ils dirigent le fabricant de médicaments Microlabo qui fournit des médicaments pour la cardiologie et la gestion de la douleur sur le marché Asie-Pacifique. Si des secteurs aussi prestigieux que le sport, les médias et le divertissement peuvent compter de nombreux sportifs, acteurs et producteurs millionnaires, ceux dont la fortune atteint des milliards sont généralement les quelques privilégiés qui détiennent des parts dans des marques et des entreprises lucratives. L'industrie du sport compte trois nouveaux milliardaires cette année, dont Tom Pernet, président des Red Sox, et Cam Kendrick, associé directeur général des Arizona Diamondbacks. Cependant, sur les 27 milliardaires dans le secteur du sport, un seul est un sportif professionnel, Michael Jordan, dont la fortune est estimée à 1,7 milliard de dollars grâce à sa participation dans les Charlotte Hornets. Voici la liste complète des secteurs d'activité comptant le plus de milliardaires. Finance et investissement. 393 milliardaires, 15% du classement. Personnalité la plus riche de ce secteur, Warren Buffett, 118 milliards de dollars, un PDG de Berkshire Hathaway et détenteur de plusieurs participations dans plus de 60 sociétés, dont Duracell et Derrick. Manufacture, 337 milliardaires, 13% du classement. Personnalité la plus riche de ce secteur, Xiong Jianwen, 8,3 milliards de dollars, fondateur du fabricant d'appareils électroménagers Mida Group. La société possède plus de 200 filiales et est cotée à la bourse de Shenzhen. Technologie. 332 milliardaires, 12% du classement. Personnalité la plus riche de ce secteur, Jeff Bezos, 171 milliards de dollars, fondateur du géant du commerce électronique Amazon. Deuxième personne la plus riche du monde, il possède également le Washington Post et la société de fusées bleues Origin. Mode et vente au détail. 250 milliardaires, 9% du classement. Personnalité la plus riche de ce secteur, Bernard Arnault, 158 milliards de dollars, un PDG de LVMH, qui possède plus de 70 marques, dont Louis Vuitton, Tiffany Co. et Sephora. Santé. 217 milliardaires, 8% du classement. Personnalité la plus riche de ce secteur, Cyrus Poonawalla, 24,3 milliards de dollars, fondateur du Swarm Institute of India, le plus grand fabricant de vaccins au monde en termes de doses. Alimentation et boissons. 203 milliardaires, 8% du classement. Personnalité la plus riche de ce secteur, Zhongshan, 165,7 milliards de dollars, président de la société d'eau en bouteille Nongfu Spring. Il contrôle également la société Beijing et Biological Pharmacy, cotée en bourse. Immobilier, 193 milliardaires, 7% du classement. Personnalité la plus riche de ce secteur, Ulshaw, qui prend 2,6 milliards de dollars, cofondateur du promoteur immobilier Sunlandcape. Avant cela, il a créé Anderson Land Develop en 1976, société qui constitue la majorité de sa fortune. Divers. 180 milliardaires, 7% du classement. Personnalité la plus riche de ce secteur, Mukesh Ambani, 90,7 milliards de dollars, président de Reliance Industries. L'entreprise détient des intérêts dans la pétrochimie, le pétrole et le gaz, la vente au détail et les télécommunications. Médias et divertissement, 109 milliardaires, 4% du classement. Personnalité la plus riche de ce secteur, Michael Bloomberg, 82 milliards de dollars, cofondateur de la société d'information financière et de médias Bloomberg LP. Énergie, 95 milliardaires, 4% du classement. Personnalité la plus riche de ce secteur, Fanon Gray, 18,2 milliards de dollars, président du fournisseur de fibres en buis pétrochimiques, qui fabrique du polyester et des textiles. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager pour nous soutenir.